PKFM jusqu'au bout du monde. Communiqué FDFP. Faisant suite aux mesures prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et en application de celles arrêtées par le chef de l'État, le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP porte à la connaissance de ses clients et partenaires les dispositions suivantes au sein de son institution. Mise en place d'un dispositif de lavage systématique et obligatoire des mains aux voies d'accès au FDFP. Utilisation systématique du gel hydroalcoolique mis à la disposition à chaque palier et dans tous les bureaux. Port obligatoire de masques et gants par tous les agents. Priorisation des échanges avec les clients et partenaires via le téléphone et l'internet en vue de réduire au strict nécessaire les contacts. Suspension des visites d'entreprise et de cabinet de formation. Réaménagement des horaires de travail de 8h30 à 15h30 pour tenir compte du couvre-feu. Pour plus d'informations sur le COVID-19 ou pour toute assistance, visitez nos pages FDFP sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et le site officiel www.fdfp.ci. Tous unis contre le coronavirus. PKFM jusqu'au bout du monde.